19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avec ce temps pluvieux, méchant, avec du vent, tout ça, un temps idéal pour écouter du métal et se requinquer un petit peu. Donc ce soir, j'ai des nouveautés à vous proposer, qui sont 4 même, dans 4 genres complètement différents. Enfin, vous connaissez l'émission, j'imagine. On va faire un petit survol de tous les genres et sous-genres qui constituent donc notre style musical préféré. Donc ce soir, on va commencer tout de suite avec ce qui est un des coups de cœur de la rentrée. C'est le nouvel album, leur 6e des Alsaciens de Dan Wright Mullace, des habitués d'Electric Shock et même de Radio Arc-en-Ciel, puisque Fred les avait découverts à l'époque de leur premier EP en 1995, et on a toujours diffusé, quel que soit ce qu'ils aient fait, de leur opus. Donc ce nouvel album qui s'appelle Mechanica Temporis, ça a été vraiment une agréable surprise pour moi. Enfin, j'avais bien aimé le précédent éponyme qui était sorti il y a déjà 6 ans, mais celui-ci m'a vraiment super botté. Un mélange de thrash, de heavy, d'indus, vraiment quelque chose qui a tout ce qu'il faut pour rivaliser avec les gros groupes étrangers, et pourtant c'est de l'autoprod. Donc le morceau de ce soir qui s'intitule Virtual Reality, vous allez pouvoir en juger sur place. Yeah. J'adore le final de ce morceau. C'était Gojira avec le morceau Grind, un extrait de l'excellente Fortitude, sorti au printemps dernier et qui fait un carton, et vraiment c'est justifié. D'ailleurs, Gojira sera en concert, normalement, si tout va bien, au mois de février à l'Accor Arena Hotel. Ah, j'ai réussi à le dire du premier coup. Quand même, quelle belle réussite. Juste avant Gojira, Dan Wright Mullis, groupe qui nous vient d'Alsace, et leur nouvel album Mechanica Temporis, et c'était le morceau Virtual Reality. Eh bien, ce qui suit aussi, ça c'est du lourd, puisque c'était vraiment une des très grosses sorties de cette rentrée, même de l'année 2021. On va revenir à l'album de Iron Maiden, le Senjutsu, qui est quand même un bon album dans la discographie d'Iron Maiden, un très bon album, même si ce n'est pas un excellent album. Je vais pas vous redire les raisons pour lesquelles vous les savez déjà si vous avez écouté ces émissions ces dernières semaines, mais il y a de très très bonnes choses, comme par exemple ce Darkest Hour, qui ouvre avec merveille le deuxième CD de l'album. Et oui, parce que c'est un double album. Bon, fini ce petit voyage au bord de la mer où Iron Maiden vous a raconté l'histoire donc de réembarquement de Dunkerque et du débarquement du 44. Bon, deux épisodes quand même. Pas très joyeux quand même de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Darkest Hour, c'était un extrait de Senjutsu, donc le dernier album d'Iron Maiden. On va se faire donc la première nouveauté de la soirée avec un groupe, on va dire franco-américain, enfin français, mais dont la leader vit à moitié aux États-Unis, à moitié en France. Et qui est déjà sorti un EP, il y a ça 2 ou 3 ans. Ce groupe s'appelle Tarahu. Il a sorti son premier album. On peut appeler un album ce qui a 8 titres, mais enfin, vu la durée, on pourrait presque dire que c'est un EP. Alors, Tarahu, c'est quoi? On peut dire que, musicalement, c'est du punk rock direct, avec un petit côté un peu grunge, années 70-90. On pense un petit peu à des groupes comme L7, choses comme ça, qui ont vraiment dû influencer, donc, le groupe. Alors, ça chante en anglais. Malgré tout, le titre de ce soir est en français. La première fois que j'ai écouté, j'ai dit, tiens, il y a un titre en français sur l'album. Et non, pas du tout, c'est bien chanté en anglais. Donc, c'est l'album qui est sorti la fin septembre, s'appelle donc Supposedly a Man. Et le morceau, donc, faut pas s'y faire, s'appelle La Petite Boche, un amour de guerre. Bon, comme quoi, on y reste toujours dans la guerre. Thank you. le chocolat. Derrière murs, barrières, frontières fermées, au son de la trompette de sa renommée. Un éléphant s'approuve énormément. Marteau Piquette avec leur album Racine Carrée de Vous Utopie, qu'on passe depuis cet été. C'était le morceau Trumpet. Juste avant, dans le même état d'esprit, par contre tout nouveau, tout récent, puisque c'est sorti, je crois, il y a ça 8 jours à tout casser, l'album de Taraou, avec un point d'interrogation supposedly Omen, et c'était le morceau La Petite Boche, Un Amour de Guerre. Et bah tiens, on va revenir à ce qui a été une des nouveautés de la semaine dernière, le nouvel album de Pat O'May, donc bien connu des milieux guitaristiques de rock français, et là c'est son premier véritable concept album. Donc il s'appelle Welcome to a New World. Donc ça raconte l'histoire d'un personnage qui n'a donc conscience de aucun de ses sens, ni vu, ni odorat, ni toucher, ni parole, ni pensée, rien du tout. Donc il est tout seul et malgré tout il se pose des questions. Est-ce qu'il est né ainsi? Est-ce qu'on le contrôle? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient comme lui mais isolées? Enfin bref, des questions quasiment existentielles, un mélange de Matrix et de Tommy Dehu, voilà. Et le morceau de ce soir qui regroupe un peu pas mal de styles, si vous connaissez l'ami Pat, beaucoup avec du rock celtique entre autres, on en retrouve sur ce I Shall Never Surrender. I shouldn't be up here. I should be back in the streets, living as a free man. You have stolen my life, my face, my dreams, with your empty words. How dare you? We'll be right back. fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall never surrender. Every day I feel flowing in my wheel the shadow of a life calling me, taking me. I start to feel a light, I start to cleanse a fight, but I leave in fright and I turn around. This more, the truth behind the door. I need to change my life. A mentor rolling through time. Could I bear the blame? Could I be a name? I want to understand the siege of hopes are here, but I. The sign. Should I break the past? Should I be the last? Cause of the blast drawing in my mind. And you. Sympa ce morceau, on s'ennuie pas une seconde avec tous ces changements. On passe d'un côté celtique avec les cornemuses à du rock plombé, un truc un peu plus spatial pour revenir à du rock bien lourd. Bref, vraiment très très belle chose. C'était I Shall Never Surrender, extrait donc de Welcome to a New World, donc le nouvel album de Pat O'Malley. Revenons aussi à ce qui était une des nouveautés la semaine dernière, le premier album de Unto Others, groupe américain, enfin qui n'est pas vraiment leur premier album, puisqu'ils avaient déjà sorti un précédent opus, mais sous un autre nom, mais pour des questions juridiques, le groupe a dû changer. Avant, c'était les anciens Idle Hands, si ça vous dit quelque chose. Donc leur cet album s'appelle Strength, il fait toujours dans le métal gothique, et le morceau de ce soir, c'est Why. love. I used to be the best for you. Now I'm the problem that you cannot solve. You only wish to be as free as me. As free as me, yeah. Your ass is twisted, your mind is twisted. Don't forget that makes not your soul. You wish you were in my position. Then you keep on dreaming, you keep on falling. But in the end, all that remains is that we don't belong together. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé un extrait de l'album des Belges The Roost qui s'appelle Alice. C'était le morceau Ennemi à l'instant. De la Belgique aux États-Unis, il n'y a qu'un pas avec Unto Others que juste avant, avec extrait de leur premier album Strain, c'était le morceau Why. Deuxième nouveauté de la soirée avec un petit peu de méchant maintenant, du gros qui tâche. Avec le premier album d'un groupe qui s'appelle Exhorted. Alors Exhorted, c'est un groupe qui nous vient de Besançon, qui vient de sortir son premier album, qui s'appelle Old Bastard Never Die, comme voit tout un programme. Alors si c'est leur premier album, les gars, c'est pas des perdreaux de l'année, c'est des vétérans des scènes locales. Ils ont fait pas mal, ça fait déjà au moins une bonne vingtaine d'années que tous ces mecs-là y tournent, donc croyez-moi, c'est du pro, ça joue, ça c'est tenir une scène. Ça, musicalement, on peut dire que ça fait penser à un mélange de trash, de death mélodique, on pense à Lamb of God, des choses comme ça, et il y a de très très bonnes choses. Et ça, si vous êtes un petit peu en colère parce que bah, vous êtes en train de bricoler, ça se passe pas comme vous l'auriez prévu, ça va vous calmer. Donc, ce que je vous ai choisi s'appelle Don't Forget, Never Forgive. Ouais, ça peut être une bonne devise aussi. êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel exclusivement. Electric Shock et aussi, c'est l'émission qui vous grille les neurones. Ben là, je crois qu'on s'en est grillé quelques-uns avec cette belle petite doublette à l'instant. Donc, Fishing with Guns avec I Am Your Rebellion, un petit extrait de leur EP Under the Silver Lake, et juste avant avec la deuxième nouveauté de la soirée, Exhorted, et leur premier album All Bastards Never Die, Don't Forget, Never Forgive. On continue avec dans la série Faisons du neuf avec du vieux, avec la réédition donc du Black Album de Metallica, enfin appelé aussi Metallica, qui était donc leur cinquième, sorti en 1991, déjà 30 ans, qui les a propulsés donc dans la sphère des groupes incontournables du rock, ni plus ni moins. Et depuis, d'ailleurs, ils n'en sont jamais redescendus. Donc, il est ressorti en version remasterisée. Il est sorti un coffret avec plein de choses dedans, des démos, des lives, des goldies, plein de choses. Et aussi une version intermédiaire triple CD qui contient donc l'album remasterisé, un CD des lives dont on a fait passer quelques extraits, et un autre CD aussi qui contient donc des extraits de démos ou des morceaux enregistrés pendant les répétitions, enfin bref, du document. Donc je nous ai choisi des morceaux qu'on pense pas spécialement le plus de cet album. C'est My Friend of Misery, et là je vous ai choisi une version en pré-production de répétition, donc extrait donc du deuxième CD qui s'appelle Riff Demo, Rough Mixes and Easy Listening Music. Voilà. Donc cette version est sans parole, instrumentale. Ça fait bizarre hein, d'écouter ce morceau comme ça. My Friend of Misery en version, donc en répétition dans le cadre de la pré-production avant l'album Metallica. Et ça, on peut trouver ça sur la réédition donc du Black Album sorti donc là au mois de septembre. On va se faire maintenant un petit peu de métal symphonique et on va revenir au premier album des Parisiens de Esquisse, que vous connaissez parce que bah, on a déjà passé quelques extraits depuis quelques semaines. L'album c'est Instinct. Le morceau de ce soir c'est Open Your Eyes et la petite intro d'abord, Rise. Thank you. Rye, Open Your Eyes et la petite intro Rise, donc tous deux extraits de Instinct, le premier album des Parisiens de Esquisse. On va se faire une nouveauté, la troisième de la soirée maintenant, avec un album que j'attendais depuis un petit moment. C'est le cinquième album solo de Mark Tremonti, le guitariste d'Alter Bridge, qui nous fait une brillante carrière en parallèle. C'est vrai qu'il est très occupé le monsieur, puisque outre Alter Bridge qui marche quand même très très bien, les reformations de Creed de temps en temps, bah, il se fait plaisir aussi de son côté avec son petit groupe qui commence maintenant à faire son petit effet. Cet album s'appelle Marching in Time, il est sorti le 24 septembre. Là, je me le suis procuré ce week-end, donc c'est tout chaud. J'ai pas encore eu le temps vraiment de rentrer dedans à fond. Enfin, toujours est-il que si vous aimez Alter Bridge, ce genre de rock alternatif, de gros riffs avec un son très puissant, vous allez pas être déçu. Et si vous connaissez les précédents travaux du monsieur en solo, si vous écoutez Electric Shock, vous connaissez, c'est obligé. Donc, vous serez en territoire connu. Le morceau de ce soir, Fraunhofer, ça vous dit ? Allez, c'est parti. Drifting here you're gonna burn out in time. Ça, ce sera un des coups de cœur de l'année 2021. Le deuxième album solo de Miles Kennedy, le chanteur de Slash et d'Alter Bridge, évidemment, The Ides of March. Et c'était le morceau In Stride. Juste avant la troisième nouveauté de la soirée, on reste en famille avec Mark Tremonti et son cinquième album solo, Marching in Time. Mark Tremonti, bah, je vous rappelle que c'est le guitariste d'Alter Bridge. Et c'était le morceau Flown Further. Alter Bridge qui devrait rentrer en studio au printemps 2022. Donc, patience, patience pour un nouvel album du groupe. Si on faisait un petit tour en Scandinavie avec les ch'tis de Pitkan Matkan, ça vous dit? Eh bien, on va y aller tout de suite avec un extrait de From Despair to Rebirth, Important Help. Important Help, c'était donc les ch'tis de Pete Kalmatkan et leur album From Despair to Rebirth. Est-ce que ça vous dirait un petit voyage dans le temps et l'espace? Bon, j'imagine que oui, on ne peut jamais être contre. Quelqu'un qui vous propose ça, on n'hésite pas. Eh bien, je vais vous emmener à Tokyo en 2001, où Kiss donnait un de ses concerts de sa tournée d'adieu. Oui, je sais, je vous entends rigoler. Moi aussi, je ricane doucement. Et donc, revenir donc au live Off the Soundboard Tokyo 2001, qui est donc sorti cet été et qui est le premier d'une, normalement, d'une nouvelle série de live de la légende américaine qui, normalement, devrait faire ses adieux à l'été 2022. Enfin bref, à suivre. On va se faire un petit classique de Kiss, évidemment, Firehouse. Oh, Deux classiques pour le prix d'un Do You Love Me et juste avant Firehouse, donc deux extraits du live of the Sunborn Tokyo 2001 sorti cet été. Et à 20h35, tourons sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Il va être temps que c'est l'heure de la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. On va passer d'une île à une autre île. Donc du Japon, on va passer à la Corse. C'est rare d'avoir des groupes qui nous viennent de là. Avec un groupe qui s'appelle donc Shangri-La, dont c'est le premier album. Ils existent depuis 2016, je crois bien. Et ils ont déjà sorti un EP en 2018. Alors Shangri-La, c'est plutôt rock-pop. Pas désagréable à écouter, mais c'est vrai que quand j'ai écouté l'album, j'ai eu du mal à trouver des morceaux qui pétaient un peu et qui pouvaient aller dans l'émission. Mais malgré tout, je pense que ce genre de choses pourrait plaire beaucoup aux auditeurs. Par exemple, je pense à On The Rocks le lundi soir à Manu. Si tu écoutes ce soir Shangri-La, essaie de jeter une oreille là-dessus. Je pense que c'est tout à fait le genre de groupe qui pourrait te plaire. Enfin, toujours est-il qu'il y a quand même des morceaux assez péchus quand même, comme ce Perfectly Splendid que je vous invite à découvrir ce soir. Ah, je n'ai peut-être pas vous dit que l'album qui est sorti là, je crois, au mois d'août, s'appelle In My Vein. I'm not a king of creation. I'm sure I'm not in any condition. You've been waiting inside your life. Everybody say it's gonna be fine. No, I can do nothing for you. When you look at me, the sky is still blue. For me, it's gray and I pray for you. For you to leave, for me to find the clue. You whisper now. You whisper now. You whisper now. Hey, you think I'm crazy and you're not gonna die. When you're staring at me, I wonder why. I miss you and I'm pissed off. Sometimes I wanna tell my body to fuck off. Everyone's tattooed in wolves. The only sound I can hear is you and I got some opportunities. Remember when we used to learn Chinese? Yeah. I'm in front of you, but you've lost the keys. Get out of my brain, please. You whisper now. Hey, you think I'm crazy and you're not gonna die. When you're staring at me, I wonder why. Oh, Les Lyonnais de Last Addiction avec The Skin on My Bones, extrait de leur premier album Inner Abyss. Juste avant Last Addiction, c'était la dernière nouveauté de la soirée venue de la péninsule Corse. Shangri-La et le morceau Perfectly Splendid, extrait de leur premier album In My Vein. On continue avec du live et toujours dans la série Faisons du neuf avec du vieux. Eh bien, cet été est sorti donc l'édition ultime, enfin on espère, de No Sleep Till Hammersmith. On a eu donc un coffret superbe comprenant donc l'album remasterisé avec des titres bonus complétants et les trois concerts intégraux qui figurent, qui composent normalement le No Sleep, qui est une compilation donc de ces trois spectacles. On va revenir au concert de Newcastle du 30 mars 81 avec un son très brut et très cru avec Over the Top pour commencer, qui était à l'origine la face B du single Bomber. Good evening, you fuckers! That's more like it. This one is called Metropolis. Metropolis et Over the Top, donc deux extraits du No Sleep Till I'm Smith remasterisé. Et là, c'était deux extraits donc du concert de Newcastle du 30 mars 1981. Eh ben, des brumes de Newcastle, au sud de l'Amérique, de la Géorgie, plus exactement, il y a qu'un pas. Et on va retrouver maintenant Blackberry Smoke, qui nous souhaite la bienvenue avec Leave It Down. Extrait de UAR Georgia. Feel like I start swinging, soon as my two feet hit the floor. Hands of time keep spinning, everybody knocking down my door. You know I get a little nervous when my telephone starts to ring. Old credit man keeps calling, he ain't getting the goddamn thing. I can't make the wheels roll, your first check in the hole. I wish I could click my heels and jump on the golden hole. I'd be walking, yes I would. Leonard Skinner, d'extrait de Last of a Dying Breed, ouais, un titre prémonitoire. Et donc, de leur dernier album studio sorti en 2012, qui sera probablement le dernier, puisque la légende américaine, donc, a décidé de raccrocher les gants après une ultime tournée. Voilà, donc, c'est la fin d'Electric Shock pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme je vous le dis toujours à chaque fois, c'est toujours un plaisir. J'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine avec, bien sûr, d'autres nouveautés. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Je vous dis bonne semaine et à mardi. Salut à tous!